Second chapitre, le manoir de Mézarnoux, suite. Allons, mon cher cousin, dit Mézarnoux à la fontenelle en lui présentant un fauteuil. Asseyez-vous donc près de ce bon feu en attendant que nous nous mettions à table. Quand la fontenelle fut assise, le maître du château, après lui avoir serré la main avec effusion, reprit. Merci mille fois de votre bonne visite, mon ami, car je vois avec bien du plaisir que vous avez tenu la promesse que vous m'aviez faite la dernière fois que vous passâtes ici. C'est bien à vous de ne point nous avoir oubliés. Jamais je n'oublie ce que j'affectionne, répliqua la fontenelle avec une politesse étudiée, et c'est un bonheur pour moi de les avoir toujours présents à mon souvenir quand ce sont de bons parents comme vous. Malheureusement, une chose me chagrine, s'écria Mézarnoux, c'est l'absence de ma femme. Soyez certain qu'elle sera vivement contrariée de ne pas s'être trouvée au château pour vous recevoir. Ces paroles excitèrent un moment la défiance du partisan. Il se demanda si son hôte ne mentait pas dans le but de soustraire Madame de Mézarnoux à sa vue. Mais un seul regard dirigé sur le châtelain le convainquit à l'instant que celui-ci disait vrai. Après ce court examen de la physionomie de Mézarnoux, la fontenelle répondit. « Comme vous, je déplore aussi l'absence de Madame de Mézarnoux, car je me rappelle le gracieux accueil qu'elle me fit il y a 3 ans quand je vins vous visiter. Je le répète, mon cousin, si ma femme avait pu se douter de votre arrivée, elle n'eût point entrepris le petit voyage qu'elle projetait depuis longtemps et l'eût remise à plus tard. Mais où est donc ma chère cousine ? Dans les environs de Morlaix, au manoir de Mesguez, où elle est allée voir une de ses parentes malades qui réclamait ses soins. J'ose espérer que votre veuvage sera de courte durée. Dans 3 jours, je dois aller chercher à Mesguez Madame de Mézarnoux. Eh bien alors, cher cousin, j'en suis fâché. Je n'aurai pas l'honneur de lui présenter mes hommages, car j'ai l'intention de partir après-demain. Mes moments sont comptés, et si je n'avais pas songé à la bonne amitié qui nous lie et à ma promesse, je serais resté au fou où m'appelaient des affaires importantes. Comment, à peine arrivé, vous voulez déjà nous quitter ? C'est mal à vous, Guéder, de ne pas nous donner quelques jours de plus. Il faut absolument que je retourne à l'île Tristan. Craindriez-vous donc encore le retour de messieurs Sourdéac et de Molac ? Non, assurément, répondit la fontenelle en riant. Mais je ne puis laisser ainsi mes soldats livrés à eux-mêmes. Je crains les désertions et j'ai peur que la désunion ne se mette dans leurs rangs. Mais n'êtes-vous pas sûr de vos lieutenants et doutez-vous de leur fidélité ? Mes officiers sont braves et pleins de loyauté, mais cependant, pendant mon absence, j'appréhende qu'il n'arrive à Douarnenez quelque événement fâcheux ou imprévu. Croyez-vous qu'on puisse oublier facilement l'incendie d'un aussi bon château que le Granec, brûlé par le duc de Mercœur, et pensez-vous qu'il ne me reste pas d'autres ennemis ? Maintenant, je conçois parfaitement bien vos craintes et n'insiste pas davantage, malgré le vif désir que j'avais de vous posséder quelque temps chez moi. Et puis, si le sournois Sourdéac, encore tout furieux de son échec, venait à apprendre mon arrivée à Landerneau, aussitôt toute sa garnison de Brest serait à mes trousses. Mais rassurez-vous, pour vous dédommager, je reviendrai prochainement à Mézarnoux, et cette fois je prolongerai mon séjour chez vous autant de temps que vous le désirerez. » En prononçant ces mots, la fontenelle jeta un coup d'œil avide sur les magnifiques pièces d'argenterie qui recouvraient la table. « C'est bien, Guéder, » dit Mézarnoux. « Je compte donc positivement sur vous, et si vous ne reveniez pas, je vous croirais fâché, ce qui, je l'espère, n'arrivera jamais entre nous. » Et votre gentille petite Marie, serait-elle aussi avec sa mère ? Non, grâce à Dieu, elle n'a pas voulu me laisser seule, elle est restée me tenir compagnie. Oh, elle a bien grandi depuis votre départ, et actuellement c'est presque une demoiselle. Si je ne me trompe, elle doit avoir près de 12 ans. Oui, Marie a en effet cet âge, mais elle est forte et paraît avoir bien davantage. En ce moment, des serviteurs entrèrent, portant le dîner sur de vastes plats d'argent chargés de viande et de mets de toute espèce. « Permettez-moi, mon cher Guéder, d'aller chercher Marie pour vous la présenter. » La fontenelle, après s'être inclinée en signe d'assentiment, se leva de son fauteuil et se mit à marcher de long en large en réfléchissant aux paroles de son cousin. « Bien, se dit-il, tout arrive à souhait. Aujourd'hui, c'est la femme qui est absente, et dans 3 jours, ce sera le mari. Je veux mettre ces heureuses circonstances à profit et ne pas partir du manoir les mains vides. Toute cette riche vaisselle dont Mézarnoux fait étalage prendra bientôt le chemin de l'île Tristan et ira grossir les trésors enlevés à Pinmar. » Pendant qu'il faisait ses réflexions, le maître du château était monté à l'appartement de Marie. Un fort bel escalier à vis, en pierre de taille, conduisait à cette chambre qui était située au premier étage de la tourelle. On peut encore voir aujourd'hui à Mézarnoux cet escalier qui se termine par une élégante colonnette en pierre sculptée. Quoique Mézarnoux affectât une grande aisance et une parfaite gaieté en présence de la fontenelle, cependant il n'était pas sans inquiétude. Autrefois, il est vrai, il avait reçu chez lui, sans avoir à s'en plaindre, son dangereux parent. Mais il connaissait sa perfidie et sa férocité, et il tremblait au souvenir des massacres de Plogastel et du Granec. Comme l'avait dit Mézarnoux, sa femme était réellement absente, et il était dans l'intention d'aller la chercher à Mézouez. On doit donc penser quelle joie il ressentit quand la fontenelle lui fit savoir que, dans 2 jours, il se mettrait en route pour Douarnenez. Bien certainement, s'il avait su de quelle escorte celui-ci était accompagné, il en eût été effrayé et l'eût soupçonné de sinistres projets. Mais Guy Eder, par prudence, avait fait camper ses soldats dans une grande lande tout près de Plounéventer et leur avait défendu de se répandre dans la campagne de peur d'épouvanter les paysans et les hôtes du château. Il leur avait aussi donné l'ordre de l'attendre dans cet endroit et les avait assurés qu'ils ne tarderaient pas à venir les rejoindre. « Allons, Marie, » dit Mézarnoux à sa belle-fille, « descends dîner, mon enfant, et surtout, je te le recommande, sois aimable avec notre cousin La Fontenelle, qui vient d'arriver pour nous voir. »« Quoi ?» répondit Marie, tout émue de cette nouvelle. « Serait-ce le capitaine Guy Eder ?» Le beau cavalier qui, il y a 3 ans, jouait ici avec moi et me chantait de belles ballades bretonnes ? Lui-même, Marie, mais prends garde de le mécontenter, car tu le sais, bien souvent nous te l'avons dit, ta mère et moi, c'est un méchant homme auquel il serait dangereux de faire un mauvais accueil. Ainsi donc, sois affable avec lui comme par le passé. Bien heureusement, il doit partir après-demain et nous débarrasser de sa présence. Marie le Chevoir, quoique bien jeune, n'était pas sans avoir entendu parler des cruautés de La Fontenelle. Mais, comme les enfants de son âge, elle avait peine à croire que ce gentilhomme si beau, qui lui avait paru si doux, fût un monstre comme tout le monde ne cessait de le répéter autour d'elle. Cependant, tout en descendant l'escalier avec son père, elle sentait croître son émotion et éprouvait une sorte d'effroi en songeant qu'elle allait se trouver en présence de ce capitaine dont elle avait entendu raconter de si étranges histoires.